الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، je sais pas si c'était dans ce livre ou dans un autre livre, on avait le mot الفي. الفي on l'a traduit par الغنيمة, le butin. En fait, il y a une différence. Entendu hier, Cheikh Abdel Zarrajhi, il dit le farq bain al-fay wal ghanima an al-fay ma yukhad min amwal al-kuffar bidun qital. Il dit le fay, c'est un butin qu'on prend des biens des kuffars mais sans avoir eu de combat quelconque avec eux. Et il dit al-ghanima, c'est obligatoirement après un combat, obligatoirement après une guerre, après une bataille. Ce qui ramasse, ça s'appelle al-ghanima. Donc le fay, c'est avec un combat. Et le fay, c'est sans combat. Et al-ghanima, c'est avec. Avec un combat. Mais c'est juste le fail, sans combat, c'est-à-dire. Sans qu'il y ait eu qu'il voilà. Tu sauves, hein? Tu viens, il sauve, par exemple. Là, tout ce qu'il a dit, cher, c'est que la différence entre ça et ça, parce qu'en fait, les deux mots, ils sont souvent utilisés ensemble. Il a cité ça dans l'atiqad de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il y a un ghanima. Le harb, les mots de ghanima, il y a un harb, ma'ouna, l'ibil. أسرى يمكن الفي يعني في غير موقع الحرب. الكلام الوحيد اللي قال الشيخ هذا كتبته قال ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال. بعد قال وهذا بخلاف الغنيمة تكون مع القتال. يعني كتبته وش قال بالضبط؟ الفيء أيوة. نعم أنا عندي نسخة أخرى. 190 190. قال المؤلف رحمه الله تعالى اقرا عبد الله. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وان جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وان كان عبدا حبشيا وقوله للانصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Il n'est pas permis de tuer le gouverneur sultan et de sortir contre lui quand même il opprime. Selon les dires du messager d'Allah à Abu Dar al-Ghifari, il dit et patiente quand même c'est un esclave Habashi Abyssinia. Et ce qu'il a dit à Al-Ansar et patiente jusqu'à ce que tu me rencontres au bassin Haou. Et il n'est pas de la sunna de tuer, de lutter contre le gouverneur sultan. Cela cause la ruine de la religion et de ce bas monde. الشرح لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان. Il dit donc l'explication. Personne n'a le droit de combattre le gouvernant. بأن يخرج عليه بالسلاح. De se rebeller avec lui, sur lui, avec des armes. لأن هذا يترتب عليه مفاسد كبيرة. Car il y a de nombreux méfaits. Il y a de graves méfaits à travers cela. قوله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار. Il n'est pas permis de tuer le gouverneur sultan et de sortir contre lui quand même il opprime. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit par tuer, normalement c'est combattre. قتال. Il y en a où l'aucun tué, ce serait قتل. لا يحل قتل. أي يحرم قتال السلطان, يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج. Le Cheikh l'a expliqué là. Il a dit, c'est-à-dire que c'est interdit de combattre le gouvernant. Comme le font les Khawarij. Wa injara. Même s'il est injuste. Même s'il opprime. Et hasala minhu jawr aw dhulm, fa innahu yusbaru ala dhalik. Même s'il opprime, même s'il est injuste, il faut patienter sur cela. Li anna as-sabra ala dhalik ma'a ma fihi min ad-darar akhaffu min ad-darar alladhi yahsulu bil khuruj alayh. Donc il dit, c'est par rapport à la règle de voir les méfaits, les bienfaits et les méfaits. Il dit, le fait de patienter sur ces méfaits, malgré qu'il y a des méfaits là-dedans, ça veut dire que le gouvernant il est injuste, il y a des injustices qui se font, mais c'est moins grave. C'est moins grave que le méfait qu'il y a dans le fait de se rebeller sur lui. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. Ça c'est une règle, qaïda usuliyya, très importante. Il dit irtikab ou akhaf fid dararain. Si tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire une des deux choses qui sont mal. un des deux munkar que tu dois faire. Par exemple, donc il dit, tu choisis le munkar qui est le moins grave. Irtikab ou akhaf fi dararain li daf'i a'lahuma, pour repousser le plus grand des deux. Tu fais le moins grave des deux pour repousser le plus grand des deux. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lil ansar innakum satarawna ba'di athara fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Et les dires du messager d'Allah est patient jusqu'à ce que tu me rencontres au bassin. Alors, Rawah al-Bukhari fi sahihi wa Muslim an fi sahihi an Usayd ibn al-Hudayr. Qala awsahum bis-sabr ma annahum yalqawna athara wa hiya al-isti'thar bil-amwal dunahum. Fawsahum bis-sabr lima fi dhalika min dar'i a'zam al-mafsadatayn. Hadha illa pas traduit, hein? Athara. أوصاهم بالصبر il leur a recommandé la patience alors que مع أنهم يلقون أثرا donc le cheikh dit وهي استئثار استئثار بالأموال دونهم انت ترجمه هذه préfère الدنيا que d'autres ils vont faire devancer ils vont prendre استئثارون المال لأنفسهم دونهم هما دون الناس هذا الحاصل que les gens ils vont préférer les richesses par rapport aux personnes. Quelqu'un. Ils vont profiter de certaines richesses, de certains biens, et ils vont pas les partager avec le reste de la communauté. Parce qu'ils vont les faire distinguer des autres. Ils vont préférer les richesses à tout plutôt que les partager. Pas préférer, carrément profiter de ces richesses. Oui. Et laisser les autres, Yanni et Kim Goulaf, dans le besoin. Quel goût là ? C'est le truc, c'est pas. دهنا جملة اللي حابين يقوى يفهم استئثار بالأموال دونهم يعني داي يوصي بالصبر il recommande la patience patienter sur le gouverneur même s'il y a des dépassements et y compris c'est le fait de profiter des biens par exemple d'un country et sans que les autres puissent profiter aussi donc استئثار يعني certains ils vont profiter de certains voilà et d'autres non faire ce qu'ils ont fait. Donc il leur a recommandé la patience car lima fi dhalika min dar'i a'zam al-mafsadatayn. Car dans la patience, tu vas délaisser le plus grand mal des deux. Sur les deux mots qu'il y a, le plus grand des deux, tu vas l'éviter pour opter pour le moins grave. Qawluhu wa dhalika li qawli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li Abi Dharr al-Ghifari isbir wa in kana 'abdan habashiyya. Selon les dires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr al-Ghifari, et patiente quand même, c'est un esclave habashi abyssinien. Yani la tahtaqir wali al-amr. Galt. Eh, voilà que ça penche beaucoup plus vers toi quand tu lis tout. On sort du sabr ma annahum yalqawna athara wa hiya al-isti'thar bil amwal dunahum. C'est plutôt ton explication à toi. Yani les gens ils vont profiter plutôt des richesses que donner du comment on dit là, juste respect des personnes. Entre parenthèses, ici, Athar bil Amwal dounahum. Donc, Aoud la Jumladi. Selon les dires du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr al-Ghifari, les patientes, quand même, c'est un esclave habashi, abyssinien. Yani la tahtaqir wali al-amr. C'est-à-dire, n'avilie pas, ne sous-estime pas, ne néglige pas le gouvernant. Wa in kana madharuhu ghayra jamil. Même s'il n'a pas une apparence qui est belle. وإن كان أسود اللون même s'il est de peau noire أو ليس له نسب عربي s'il n'a pas d'ascendance s'il n'est pas il provient pas des arabes c'est pas un arabe d'origine لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة car il est considéré comme gouvernant donc faut le respecter pour cela par العبرة بمنصبه c'est-à-dire par le poste qu'il on va considérer selon le poste منصب c'est ça le poste qu'il obtient la fonction qu'il a qui est le خلافة والإمارة خلافة vous savez c'est quoi الإمارة يعني c'est l'amir وليست العبرة بشخصه ne regarde pas ni son apparence ou bien son origine فيطاع ما دام أنه مسلم tant qu'il est considéré musulman on doit lui obéir ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته il dit لا ينظر إلى مظهره ne regarde pas son apparence مما لا يعجب quelque chose qui n'est pas qui ne plaît pas yani, à quelqu'un qui le regarde. L'idamamati, rathatati, rath, c'est quelque chose qui est usé, si on peut dire. فهمتوا؟ يعني il a pas une apparence belle, il a des cicatrices, il a مجدد على الاطراف comme on a vu dans les autres versions etc. Il le cite après. أو لعيب في جسمه. Il a des handicaps, hein, ou des handicaps sur son corps. مجدد على الاطراف. حديث سبق تخريجه. كل هذا لا يسوغ الخروج عليه. Tout ça ce ne sont pas des facteurs ou des points qui te permettent ou qui engendrent que ça devient autorisé que tu sortes sur lui, tu te rebelles sur lui. حتى لو كان مريضا, même s'il est malade. أو عنده ضعف صحي, même s'il est il a une faiblesse dans sa santé, il est malade. ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه. Tant que pacte d'allégeance a été fait, qu'on lui doit obéissance, il est considéré comme gouvernant légitime. Il faut patienter sur ses méfaits. ويسمع له. Il faut obéir à ce qu'il dit. ويطاع ولو كان بهذه الصفات. Même si il a toutes ces caractéristiques qui sont pas agréables, il faut lui obéir dans l'obéissance puisque c'est lui ولي الأمر. قوله وليس من السنة قتال السلطان. Et il n'est pas de la sunna de lutter contre le gouverneur sultan. ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان. Il y a rien qui est rapporté dans la sunna authentique du fait de combattre le gouvernant. ولا في حديث واحد لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح. Ni dans aucun hadith, ni un hadith qui est faible, ou un hadith qui serait médian, bon, ou un hadith qui serait authentique. ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم. Il n'y a pas de hadith qui montre ou qui incite à combattre le gouvernant musulman. وإن كان فاسقا, même s'il est débauché. وإن كان ظالما, même s'il est s'il opprime les autres, il est injuste. وإن كان جائرا, وإن كان مستأثرا بالأموال, même si il fait passer, il fait primer les richesses, les biens des gens. فلا يجوز الخروج عليه. Comme dans l'autre hadith, il s'approprie les biens des gens sans faire attention à leur honneur, etc. Tout ça, ce ne sont pas des facteurs qui font que tu peux te rebeller sur lui. فلا يجوز الخروج عليه. بل الأحاديث كلها تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. Tous les hadiths, ils vont dans le même sens. Ils montrent qu'il faut patienter sur ces méfaits-là et il ne faut pas se rebeller contre lui. ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح. Donc, Cheikh dit, ça ne veut pas dire que le gouvernant ne doit pas être conseillé. يناصح, c'est-à-dire c'est lui qui subit l'action, c'est lui qui est conseillé. بل يناصح سرا بينه وبين الناصح. Au contraire, le conseiller, quelqu'un qui a un conseil à lui donner, il lui donne en privé. فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان. Celui qui a un conseil quelconque à lui transmettre, il doit lui transmettre. كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, la religion c'est le conseil. قلنا لمن, on dit pour qui, en faveur de qui. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه. Pour Allah, pour son livre, son messager, pour les gouvernants des musulmans et pour la masse de la nation. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك. C'est pas parce qu'il est sur des débauches qu'on le laisse sans le conseiller. بل لابد أن يبين له وينصح. Faut impérativement lui montrer ses défauts, ses erreurs, ses handicaps, ses injustices, etc. et le conseiller. وهذا من حقه على العلماء وعلى رعيته. C'est parmi les droits que le gouvernant il a sur les savants et sur la masse. وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحون. على أهل المشورة, donc les ceux qui sont en proximité de lui et qui font partie des bétana qu'il a, les gens qui sont autour de lui, qui le consultent, lui il les consulte et qui ont une certaine proximité avec lui. أهل الرأي أنهم يناصحون. Les gens qui ont des أهل الرأي dans le sens, c'est des gens qui ont des opinions solides, hein? C'est pas des opinions. كاك برك أهل الرأي أنهم يناصحون. Ils doivent lui conseiller et lui attribuer, lui faire transmettre ses conseils. وليس من السنة قتال السلطان. Et il n'est pas de la sunna de lutter contre le gouverneur sultan. يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم. Il n'y a aucun texte dans la sunna qui montrerait, ni authentique ni faible, qui montrerait le caractère légitime de combattre le gouvernant musulman. بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته. Au contraire, il y a dans فيها, c'est quoi? Sunna. Sunna. وفي القرآن, et dans le Coran, الأمر بطاعته. L'ordre d'obéir au gouvernant. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez et obéissez aux messagers, à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Nisa, surat 4, verset 59. انظر إلى قوله منكم. يعني الشيخ يقول regarde, الله a dit parmi vous, ceux qui détiennent le commandement, le pouvoir parmi vous. يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته. Il fait partie de vous, tant que c'est un musulman, il faut impérativement tajibu ta'atu, il faut impérativement lui obéir. قوله فإن فيه فساد الدنيا والدين. Cela cause la ruine de la religion et de ce bas monde. في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضع الملك وتشيع بأن يضيع الملك شكرا وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء وضياء قال الشيخ دي دونك فيت دو كومباتر الحاكم لو غوفرنون فساد الدنيا يمكن il a dit cela cause la ruine de la religion et de ce bas monde. La religion, la ruine du bas monde, il dit, yadhi' al-mulk. C'est-à-dire, sa royauté, elle va partir. Le royaume, il va quoi ? Tashi' al-fawda, c'est-à-dire que le désordre, il va se propager partout. Wa yatasallat al-a'da, les ennemis, ils vont se ruer. Wa daya'u al-din. Également, il y a la ruine de la religion. Personne ne va respecter déjà les obligations, les interdits, etc. Les sentences ne vont pas être appliquées. Personne ne va appliquer la loi du talion. Personne ne va rendre les droits légitimes que les uns ont envers les autres. Les lois relatives à des gens quand ils ont khasm, khosoma, et qui vont au tribunal, mais qui vont chercher un juge pour trancher, ils vont pas appliquer toutes ces choses-là. وَحِينَ اَيْدٍ يَفْسُدُ الدِّينُ بِهَذَا. La religion, elle va être corrompue à travers cela. فَتَكُونُ فَوْضَى وَفَسَادًا. Ce sera un désordre total, une corruption totale. لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِذًا تَضِيعُ الْأَمْوَالِ. La main du voleur ne sera pas coupée, donc les vols, c'est-à-dire les gens, ils vont s'adonner au vol d'une manière, d'une grande manière. Pareil pour les brigands. Les brigands sur les routes, ils vont faire ce qu'ils ont à faire puisqu'il n'y a pas de hudud. Il n'y a pas d'autorité qui fait respecter ces règles-là. Man alladhi yaqumu bihadha? Qui c'est qui va s'occuper de cela? Huwa wali al-amr. Tout ça, c'est min salahiyat wali al-amr. Ça fait partie des fonctions attribuées au gouvernant. Hadha min salahiyat wali al-amr. Wala ahada yastati'u law ijtama'a an-nas kulluhum ma istata'u al-qiyam bi hadhihi al-umur bal talzamu al-fawda. Et d'ici lui, il ne fait pas, même si tous les gens se réunissent, ils ne pourront pas faire appliquer ces choses-là. Et le désordre, il va prendre du terrain. Soit les gens ils vont pas prendre les chemins, ou alors ceux qui vont le prendre seront tout le temps en état de voilà, danger, insécurité, hein. قال المؤلف رحمه الله يحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فرقهم أن يطلبهم ولا يجهز على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. عندكم فارقهم انتم ولا فارقوهم؟ فارقوهم. فارقوهم. Il est permis de tuer les khawarij s'ils s'attaquent aux musulmans, à leurs personnes, propriétés ou familles. Mais s'ils cessent et fuient, ils ne doivent pas être poursuivis, ni leurs blessés ne doivent être tués, ni les prisonniers tout comme ceux qui s'enfuient ne doivent être poursuivis. الشرح عرفنا ان الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعه on sait maintenant que les khawarij c'est ceux qui disent que tu peux rompre la relation que tu as avec les gouvernants d'obéissance ويرون ان ولي الامر ليس له بيعه او لم يبقى له بيعه على الناس اذا حصل منه معصيه ils disent que gouvernant quand il est auteur de péché etc de mukhalafat de choses qui sont pas autorisées dans la religion le pacte d'allégeance il se coupe Il n'y a pas de pacte d'allégeance et les gens n'ont pas à lui obéir, à l'absolu. Ils déclarent les musulmans mécréants lorsque ceux-ci sont auteurs de grands péchés. Ils disent ce type de personnes, ce type de catégorie, c'est-à-dire quand ils embrassent cette... Quand ils prennent ce type de conviction, voilà, prennent ce chemin, mais qui n'ont pas de chauka, ils sont pas un nombre qui est considérable, hein, ils sont pas un nombre qui est considérable, chauka. Voilà mieux qu'à Atilou, et ils sont pas passés à l'action, le fait de se rebeller en action, pas seulement en parole. Il faut les délaisser, tout en leur attribuant des conseils, munasahatihim wal bayan. Il faut leur clarifier les choses, la conviction du musulman comment elle doit être. Espérant qu'ils se repentent. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم. Il dit par contre, s'ils ont شوكة, donc ils sont un certain nombre, qui est considérable, ils représentent un certain danger, et qui font apparaître leur force et ce qu'ils représentent, s'ils sont capables de faire, les musulmans doivent les combattre. كفا لشرهم. Pour mettre fin à leur mal, à leur mot. Wala yuqataluna ala annahum kuffar. On les combat pas, on considère comme étant des mécréants. Bal yuqataluna ala annahum muslimun. On les considère comme étant musulmans, mais jaru ala al-muslimin wa atadaw alayhim. Les musulmans qui ont été injustes envers les musulmans, qui les ont opprimés et qui ont transgressé à leur sujet. Walihada lamma su'ila amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu 'anil khawarij akuffarunhum قال لا من الكفر فروا ولكنهم قوم بغوا علينا donc il dit lorsque Ali radiyallahu anhu a été interrogé sur le khawarij sont-ils des kuffar il a dit non il a dit من الكفر فروا au contraire ils ont fui la mécréance mais ce sont des gens بغوا علينا qui ont transgressé à notre sujet رواه عبد الرزاق في المصنف البيهقي في السنن الكبرى ثم قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم صفحة 29 وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب لهم ذرية ولم يغنم لهم مالا ولا أجهز على الجريح ولا اتبع مدبرا ولا قتل أسيرا وأنه صلى على قتل الطائفتين بالجمل وصفين وقال إخواننا بغوا علينا وأخبر أنهم ليسوا بكفار ولا منافقين واتبع فيما قاله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سماهم إخوة وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي كما ذكر في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وقال أيضا في صفحة 31 ولا يستوي القتل الذين صلى عليهم وسماهم إخواننا والقتل الذين لم يصلي عليهم بل قيل له من الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال هم أهل حروراء وقال رحمه الله وكذلك أهل الصفين كان يصلي على قتلاهم ويقول إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف ولو كانوا عنده كفارا لما صلى عليهم ولا جعلهم إخوانه ولا جعل السيف طهرا لهم من هذا السنة شيخ الإسلام رحمه الله Il dit donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit dans un écrit à propos du mérite de Ahl al-Bayt. Al-Bayt, c'est la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leurs droits. Page 29. Il dit, il est rapporté authentiquement de Amir al-Mu'minin, Ali radiyallahu anhu. Non. Oui. Il dit donc, rapporté de Ali radiallahu anhu, de plusieurs récits, que quand il a combattu Ahl al-Jamal, Lam yasub lahum dhurriya. Lam yasubu. Donc il n'a pas. Ouais. Ils n'ont pas pris comme, comme prisonnier comme ça. C'est quoi tu dis? Est-ce que vous avez coupé leur descendance dans le sens? Il ne les a pas pris comme esclaves. On l'a comme. Okay, ça revient. Voilà, hein. Ça revient un peu à tout ça. Zurriya, yani leurs enfants, il a pas agi de la sorte avec eux. Il n'a pas pris leur richesse. Hein? Il n'a pas, comme il a dit avant, ajhaza ala jarih, c'est-à-dire le blessé. Ni leurs blessés ne doivent être tués. Mm-hmm. Et il n'a pas suivi ceux qui ont tourné le dos et sont partis. Ouais. Il n'a pas tué les prisonniers. Il a prié sur Qatla, c'est-à-dire les gens qui sont morts des deux Taïfa. Jamal wa Siffin. Jamal wa Siffin qui sont deux guerres qui ont eu lieu. Un petit peu avant la mort de Ali radiallahu anhu. Wahda a duré une journée. Et le khara plus. Il a dit Ikhwanuna barau alayna. Il a dit ce sont nos frères qui ont transgressé à notre sujet. Ils ont considéré ni comme des musulmans, pas des kuffars ni des hypocrites. Il s'est conformé à le Coran et le Sunna. Même si, et d'ailleurs, il les a nommés frères. Il les a considérés comme mu'minin, comme croyants. Comme dans le verset Wain ta'ifatan min al-mu'minin akhtatalu. Ces deux groupes de croyants s'entrecombattent. Et il a dit également, donc ça c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah, safhat, page 31, ne sont pas égaux ceux sur qui Ali radiallahu anhu il a prié sur eux, il les a nommés nos frères, et le qatla, ceux qui sont morts, et qui n'a pas prié sur eux, au contraire, qila lahu, ils lui ont dit, c'est qui a, ça c'est dans le verset dans Surat al-Kahf, dalla sa'yuhum fil hayati dunya, c'est qui ont fait des efforts dans la vie ici-bas, qui se sont égarés, alors qu'ils considéraient qu'ils étaient sur une bonne voie, il a dit, ahlu harura, hum ahlu harura. Harora, c'est un endroit en Irak où les Khawarij se sont réunis. Donc c'est pour ça qu'ils les ont appelés Al-Haruriya. Il a dit, Rahimahullah, Ibn Taymiyyah, wa kadhalika ahlu Siffin. Également, ceux sur qui il a prié, il a dit, ce sont nos frères qui ont transgressé à notre sujet. Taharahum Saif, wa law kana indahu kuffar, lama salla alayhim. Si c'était des kuffaran, lama salla alayhim. Si c'était des mécréants, il n'aurait jamais prié sur eux. Il n'aurait pas dit, ce sont nos frères. Il n'aurait pas dit. Il n'aurait pas considéré l'épée comme étant une purification en leur faveur. Minhaj, sunna, cheikh l'islam. Jumhur, l'ulama, alan al-khawarij muslimin. Usat. La majorité des savants, ils disent que les khawarij, ce sont des musulmans qui sont des pêcheurs. Qilla, ils sont minimes, ceux qui disent que c'est des kuffars. Fala yuqataloun ma'annahum kuffar. Il ne faut pas les considérer comme étant des kuffars, donc les combattre. On les combat, mais on les considère musulmans. On ne prend pas, ce que vous avez dit avant, en otage, prisonnier, etc., leurs femmes, ou bien leurs enfants, leurs descendants. On ne prend pas leur richesse. N'extermine pas leurs blessés. Pourquoi on les combat? C'est pour mettre fin à leur transgression en faveur des musulmans. En défaveur plutôt des musulmans. Ça veut dire mettre fin au mal qui émane de eux. Voilà pourquoi on les combat. Pas on les considère comme étant des kuffars. Qawluhu yahillu qitalu al-khawarij idha aradu lil-muslimin fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim. Il est permis de combattre les khawarij s'ils s'attaquent aux musulmans, à leurs personnes, propriétés ou familles. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم ولأن علي رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خبات ابن خباب ابن الأرط رضي الله عنه وقاتلوه. Il dit le prophète صلى الله عليه وسلم il a ordonné de les combattre. Et Ali رضي الله عنه il les a combattus بالفعل lorsqu'ils se sont exposés à ils s'en sont pris à Abdallah ibn Khabbab ibn al-Arat, qui est un compagnon, et ils l'ont tué. Wa shaqqu batna l'histoire, j'ai entendu qu'on peut tuer lui et sa femme, c'est leur qu'elle était enceinte. Donc, c'est ça qui a déclenché la tête. Si ce serait la mère, ce serait Walidatihi. Donc, il y a un autre. Et ils ont ouvert le ventre de Walidatihi, on verra Inch'Allah c'est qui. وكانت حاملا elle était enceinte. فعند إذن عزم أمير المؤمنين على قتالهم. À cet instant-là, Ali رضي الله عنه a pris la ferme décision de les combattre. لأنهم حصلت منهم دوادر. Car il y a donc des choses qui sont pas acceptables. دوادر, des choses qui sont apparues d'eux. Et ils sont passés à l'action. Ça معنى دوادر. قوله وليس له إذا فارقهم أن يطلبهم. إذا فارقوهم أن يطلبهم. Mais s'ils cessent et fuient, ils ne doivent pas être poursuivis. Mais s'ils cessent et fuient, ils ne doivent pas être poursuivis. إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم ضلال بلا شك وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون ولكن لا يقاتلون. Donc il dit إذا كفوا عن القتال, s'ils s'arrêtent de combattre, خوارج, le gouvernant ne doit pas se mettre à leur recherche, ordonner aux gens de se mettre à leur recherche et de les combattre, de les tuer, puisque ils se sont abstenus, se sont arrêtés. L'amir sont minhum i'tida, ils ne sont pas transgressés. Par exemple, dollal, ce sont des égarés sans aucun doute. Et il faut les conseiller afin que, espérant qu'ils reviennent, mais il ne faut pas les combattre. Qawluhu wa la yujhazu ala jarihihim. Ni leurs blessés ne doivent être tués. Ni leurs blessés ne doivent être tués. Le blessé, il n'y a plus de mal qui émane de lui, qui vient de lui. On ne craint rien par rapport à ça. J'ai pas compris. On ne craint rien, c'est-à-dire les blessés. On ne craint rien de lui, voilà. قوله ولا يؤخذ فيئهم. Ni leurs prisonniers, il y a marqué. C'est la suite. لا يؤخذ فيئهم اي لا تغنم اموالهم. Faut pas prendre leur bien. لانها اموال مسلمين. Car ce sont des biens de musulmans. قوله ولا يقتل اسيرهم. Ni les prisonniers, donc ils ne pas tuer les prisonniers. Voilà, يقتل اسيرهم. نعم, لانهم مسلمون. Car ce sont des prisonniers musulmans. وقد حصل كف شرهم باسرهم وبجرحهم. Le fait que ils ont été emprisonnés et le fait qu'ils sont blessés, etc. On craint rien d'eux également. Paulu wa la yatba'u mudbirahum. Tout comme ceux qui s'enfuient ne doivent pas être poursuivis. Idan hazamu yatrukuhum wali al-amr. Quand ils sont vaincus, hazima, quand tu es vaincu, défaite, yatrukuhum wali al-amr. Le gouvernant, il les laisse. ولا يلحقهم لأنهم كفوا شرهم. Et ils ne cherchent pas, ils se mettent pas à la recherche, à la trace, car il y a plus de mal qui provient d'eux. Ils craignent plus rien d'eux. De quoi? Voilà qui sont musulmans. On doit pas tuer la prisonnière, on doit pas les poursuivre. On doit se laisser, ils sont carrés. C'est un calame barbare, y'a ça. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل ومن كان من أهل الإسلام ولا يشهد على أحد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له رحمته وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. Sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'il n'y a aucune obéissance. C'est ça, non? Hein? Sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde, qu'il n'y a aucune obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Et ne vous portez pas témoin pour ce qui est des gens en islam. Ne témoignez pas de leurs actions comme étant bonnes ou mauvaises. Car vous ne savez pas sur quelle action il terminera sa vie, si ce n'est jusqu'à sa mort. Vous espérez pour lui la miséricorde d'Allah et vous craignez pour lui ses péchés. Vous ne savez pas ce qui a devancé sa mort en regret pour Allah et ce qu'Allah a rapporté sur cela, quant à savoir s'il mourra en tant que musulman. Vous espérez pour lui la miséricorde d'Allah et vous craignez pour lui ses péchés. قال الشيخ صالح الفوزان الشرح قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. Sache qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Il n'y a aucune obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. هذا استثناء لما سبق. Ça c'est une exception à ce qu'on a cité auparavant. لما ذكر أنه تجب طاعة ولاة الأمور أنها لا تجب في كل شيء. Donc après avoir cité qu'il faut impérativement obligatoirement obéir aux gouvernants, aux autorités, il a cité que c'est pas à l'absolu. وإنما يطاعون فيما ليس بمعصية. Faut leur obéir dans tout ce qui n'est pas une désobéissance. أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية. Quand ils ordonnent un péché, faut pas leur obéir. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على سرية من الصحابة أميرا. Il est venu dans le hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم a désigné un amir. أمر, c'est pas أمر, c'est même pas de l'ordre. أمر, c'est-à-dire qu'il a désigné un amir à la سرية, sur donc une expédition, groupe, personne. من الصحابة أميرا. Parmi الصحابة, il désigne un amir. فلما صاروا في الطريق قال لهم اجمعوا حطبا. Quand ils étaient sur le chemin, il leur a dit réunissez du bois. فلما جمعوه قال أوقدوه. Quand ils l'ont réuni, il a dit allumez-le. فلما أوقدوه قال ادخلوا في النار. Quand ils l'ont allumé, il leur a dit rentrez dans le feu. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا. Le messager n'a-t-il pas dit obéissez, écoutez, obéissez. فقال بعضهم نحن ما أطعنا الرسول إلا فرارا من النار فكيف ندخل فيها. Ils ont dit nous on a obéi au messager, c'est juste par crainte, par fuite, pour fuir de l'enfer. Comment est-ce que tu nous dis allume le feu et ni par pour fuir le feu, comment tu nous dis allume le feu et rentre dedans. فامتنعوا من الدخول فيها. Ils ont refusé de rentrer dans le feu. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Quand l'information est arrivée au messager, il a dit أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. Il a dit certes s'ils seraient rentrés dans le feu, ils n'en seraient jamais sortis. L'obéissance est dans le bien. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Il a dit également pas de désobéissance. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. وقال تعالى في الوالدين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. إلي المصير. Il a dit également dans le Coran à propos des parents, sois reconnaissant envers moi et tes parents, car c'est vers moi le retour. وإن جاهداك يعني الوالدين. Et s'ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire les parents, على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Afin que tu me donnes un associé, quelque chose dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. وصاحبهما في الدنيا معروفا. Il reste en garde de bons liens avec eux ici-bas. واتبع سبيل من أناب إلي. Il suit le chemin de celui qui se repentit vers moi. Surat Luqman, surat 31, verset 15. ولكن ليس معنى ذلك أنها تنخلع طاعة ولي الأمر إذا أمر بمعصية. Ça veut pas dire que il a plus droit à l'obéissance le gouvernant quand il ordonne un péché. لكن لا يطاع في هذه المعصية. Mais sur ce péché-là, bien précis, on ne lui obéit pas. وتبقى طاعته فيما ليس بمعصية. Tout ce qui n'est pas péché, il faut lui obéir. هذا معنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Voilà le sens du hadith. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. فلا يقال إن ولي فلا يقال إن الله أمر بطاعة ولاة الأمور. Va dire Allah il a ordonné d'obéir aux autorités. وأمر ببر الوالدين في كل شيء. Et Allah il a ordonné d'être bienfaisant envers les parents dans toutes choses. نقول نعم. On répond oui. C'est vrai, Allah amara bi ta'ati wulat al-umur bil ma'ruf. Allah il a ordonné de obéir aux autorités dans le bien. Wa amara bi birri al-walidayn lakin bil ma'ruf. Garder relation de proximité et de bienfaisance et d'obéissance envers les parents, mais dans le bien. La fi ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans le péché. قوله ولا يشهد على احد ولا يشهد له بعمل ولا يشهد بعمل خير ولا شر. Et ne vous portez pas témoin pour ce qui est des gens en islam. Ne témoignez pas de leurs actions comme étant bonnes ou mauvaises. هذه مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين. Ça c'est le fait de témoigner à quelqu'un, comme quoi il est, c'est un adepte de l'enfer, un adepte du paradis. Une personne bien précise. فلا يشهد لمعين بجنة ولا يشهد له بنار إلا بدليل من كتاب السنة. On ne peut pas témoigner à quelqu'un, une personne quelconque, comme quoi c'est un adepte du paradis ou un adepte de l'enfer, une personne bien précise. Si ce n'est avec une preuve du Coran ou de la Sunna. أما من لم يدل أما من لم يدل دليل على أنه من أهل الجنة حتى ولو كان صالحا مؤمنا لأننا لا ندري ما يختم له. Il dit ceux à propos de qui il n'y a pas de preuve. Comme quoi c'est un adepte du paradis par exemple, même si c'est quelqu'un de droiture, de iman et de bonté, de piété, etc. On ne sait pas comment sa fin elle va être. وكذلك العاصي والكافر لا نجزم أنه من أهل النار. Dit également le désobéissant, le mécréant. On peut pas dire à 100% ça, il fait partie des adeptes de l'enfer. لأنه قد يتوب ونحن لا ندري. Il peut se repentir dans ses derniers instants. ونحن لا ندري. Et nous on ne sait pas, hein, sans savoir. قال عليه السلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح حديث عبد الله بن مسعود. Il y a l'un d'entre vous qui fait les actes des gens du paradis, il ne reste entre lui et elle, entre lui et le paradis, qu'une seule coudée, et فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ, c'est-à-dire le qadr, le destin, précisé comme quoi il allait faire des actes des gens de l'enfer et va rentrer en enfer. Et le contraire pour le contraire, quelqu'un qui fait des actes des gens de l'enfer, avant de mourir, fait des actes des gens du paradis, rentre au paradis. الْعَمَلْ بِالْخَوَاتِيمِ, ce qui est considéré auprès d'Allah, c'est les derniers actes. وَالْخَوَاتِيمِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Les derniers actes, et que Allah qui les connaît, le connaisseur de l'inconnaissable. لَكِنَّنَا نَخَافُ عَلَى أَهْلِ الْمَعَاصِ وَنَرْجُ لِأَهْلِ الطَّاعَاتِ وَلَا نَجْزِمْ. Il dit, on craint pour les pécheurs, et on espère pour ceux qui sont obéissants, les gens qui font des bonnes choses, mais nous ne pouvons déclarer quelque chose d'une manière certaine. بَلْ نَرْجُ لِلْمُطَعِينَ وَلَا نَجْزِمْ. Nous espérons pour les gens qui sont sur l'obéissance, sans leur témoigner de quoi que ce soit d'une manière certaine. Nous craignons pour les pécheurs sans leur attribuer quoi que ce soit d'une manière certaine. Ça c'est concernant les gens bien précis. Il dit Zayd ou Amr, Fulan, Fulan, Filjanna, Fulan, Fulan, Filnar. Amma binisba lil umum. Par contre, dans la généralité, on peut dire à l'absolu comme ça en disant les gens, les mu'minin, leur refuge sera le paradis. ونجزم أن الكفار من أهل النار. Les mécréants seront en enfer. قال الله تعالى في النار وعدة الكافرين. Allah dit à propos de l'enfer dans sourate Ali Imran 131 il parle des kuffar de النار l'enfer. Il dit elle a été préparée pour les mécréants. ما قال في الجنة وعدة للمتقين. Paradis il a dit il a été préparé pour les pieux. هذا من حيث العموم. Ça c'est dans la généralité. أما من حيث الأفراد والمعينون فهذا يوكل إلى الله سبحانه وتعالى. Il dit concernant les gens d'une manière bien précise, un tel et un tel, il dit ça il faut le laisser à Allah, c'est lui qui va trancher cette chose là. لكننا نتعامل معهم فيما يظهر. On considère les gens selon leur apparence. نتعامل مع أهل الطاعة فيما يظهر ونتعامل مع أهل المعاصي فيما يظهر لنا. On considère les gens selon leur apparence, celui qui fait apparaître obéissance et bonté et droiture. On considère comme tel, celui qui fait apparaître péché et désobéissance, on considère comme tel. نحكم على الظاهر فقط لا على المصير والعاقبة فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. On considère l'apparence, c'est ça notre fonction à nous, concernant la fin et la réalité de la chose et comment la personne elle est réellement, ça incombe à Allah. C'est lui qui jugera la personne. Et ça, Nabi sallam, il a envoyé Sariya. Il a envoyé un groupe de gens. Sariya, on a dit, c'est les gens qui partent en bataille sans le messager. Et ça ne dépasse pas 400 personnes. Et le nombre minimum, j'ai oublié, Cheikh Mahfemi, il l'a cité dans Mdat al-Hakam. Et l'Amir, il leur a dit, ramenez du bois. Ils ont ramené du bois. Il leur a dit, réunissez le bois. Ils ont réuni le bois. Il leur a dit, allumez le bois. Ils ont allumé. Il leur a dit, rentrez dans le feu. Au moins, ils ont tout fait jusqu'à ce qu'il a dit, rentrez dans le feu. Ils lui ont dit, non. Toute cette foi, toutes les choses qu'on fait, c'est par crainte du feu. C'est pour nous éloigner du feu. Comment tu nous dis, rentre dans le feu? Et quand ils ont informé le prophète, il leur a dit, là où dakhalu fiha ma kharaju. Si jamais. Il n'aurait pas dû leur ordonner ça. Le compagnon qui était Amir. Tout ce qu'on sait, c'est que ce hadith-là, c'est cet événement-là, c'est la cause du hadith. L'obéissance, elle est dans le bien. Et il ne faut pas obéir dans la désobéissance. Ouais. Concernant le Mu'ayyan, Cheikh l'Islam de Taimiyya, par exemple, il dit que tu peux témoigner de l'enfer ou du paradis à quelqu'un. Que les gens ils témoignent, maintenant Ahl al-Ilm et tout ça, il dit tu peux témoigner de l'enfer ou du paradis. Lakin, savant et muhaqqiqin et tout ça, ils disent que non. Ils disent tu peux pas témoigner à quelqu'un de l'enfer ou du paradis, sauf si tu as un texte. Tu peux pas témoigner à quelqu'un, tu espères pour lui, et ce qui apparaît de lui c'est ceci, cela, mais tu peux pas dire à 100%. Un tel c'est le paradis, un tel c'est de l'enfer. Tout ça c'est des informations de l'invisible. Donc, tu te limites à la généralité et les personnes spécifiques, si tu veux les attribuer au paradis ou à l'enfer, il faut que tu aies un texte pour dire que Abu Lahab est en enfer, pour dire que Hamza ibn Abdel Muttalib est au paradis, pour dire que Ukash ibn Muhsin est au paradis, Uwais al-Qarni est au paradis, etc. Toutes les personnes là que tu veux témoigner du paradis, il faut un texte. Toutes les personnes qui témoignent de l'enfer, point texte. Allah a'lam, Cheikh l'Islam, il se base sur le hadith Antum shuhada'ullah fi ardi. Une janaza qui est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wajabat, wajabat, wajabat. Les gens, ils ont dit du bien. Et une autre janaza, il a dit wajabat, wajabat, wajabat. Et les compagnons, ils ont dit du mal. Il a dit pourquoi tu as dit wajabat li hada, wajabat li hada. Il a dit celle-là, elle est passée, vous avez dit du bien, elle est vouée au paradis. Celle-là, elle est passée, vous avez dit du mal, elle est vouée à l'enfer. Antum shuhada'ullah fi ardi. Vous êtes les témoins d'Allah sur cette terre. Et est-ce que vous savez du bien de cette personne-là? Donc, vous considérez comme étant quelqu'un de bien, etc. Il sera voué au paradis, et le contraire pour le contraire. Wallahu a'lam. Monsieur, ça veut dire quelqu'un qui est connu pour toute sa vie, il a passé les clients, par exemple. Une fois qu'il est mort, on ne dit pas que cette personne-là va en enfer. C'est ça ce que ça veut dire? Allez, fais khilaf. Fais khilaf. Est-ce que la personne, quand elle meurt sur la mécréance, tu lui témoignes, ni de l'enfer, etc. On avait fouillé le Kutub, il y a un dialogue une fois sur ce sujet là, c'est profond. Fiya khilaf bain ulama. Lakin, ce qu'on a trouvé, c'est que ru'us al-kufr, ceux qui sont morts sur la mécréance, et c'est sûr, Allah il a témoigné, comme Fir'aoun, comme ceux que c'est sûr que c'est ru'us al-kufr, tu peux maudire, tu peux affirmer à 100% que c'est des adeptes de l'enfer, etc. Et les autres, tu les considères comment ils sont morts, voilà. Des hukam, مثلا, des kuffar. Ils sont morts sur la mécréance, on le considère comme kuffar. Si c'est autre chose auprès d'Allah, c'est bien pour lui. Par contre, Jackson. Ouais. T'as cité Jackson. Michael Jackson. Les gens disent qu'il est converti à l'islam. Ouais. C'est l'air qui Michael Jackson qui m'a. Tu vois? Ouais. Il est mort sur l'islam. Pareil pour Saddam Hussein. Il est mort en apparence sur l'islam. Considère musulman. Il y en a qui citent qu'il a cité Shahada deux fois avant de mourir. On considère comme étant musulman. Si c'est ça, c'est bon pour lui. Si c'est pas ça, de ce qu'on a vu, comme il a dit Cheikh. Ce que tu vois, tu le considères sur la chose et tu considères selon la fin de ses actes. Quelqu'un qui s'est repenti juste avant de mourir, tu le considères selon tel. Et quelqu'un qui est kfar avant de mourir, tu le considères selon tel. Tu peux pas affirmer à 100%, sauf ceux sur qui tu as un texte. Tu peux pas. Non. Il y a un chapitre dans le Bukhari, dans Sahih Bukhari, la bab, là, il parle Fulan Shahid. Tu n'as pas le droit de dire un tel, il est Shahid. N'ahsabuhu. considère comme shahid, n'hasabuhu shahid, narju lahu shahada, on espère pour un tel qu'il est mort shahid, on espère pour un tel qu'il est mort dans tel cas qu'il est mort shahid. C'est tout ce que tu peux faire. Et de toute façon, on s'arrête là, inshallah. Quand les compagnons disaient il est au paradis, apparemment, par rapport à la personne qui est mort dans une grande ville. C'est pas shahid. Ah ben, ils ont pas. T'as un exemple? Quand la compagnie est mort, ils ont dit il est au paradis, après ça, il m'a dit non, il a volé un manteau, ça va être un feu pour lui. Ah. Est-ce que le compagnon Bab al-Raja, Mazalan, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans Fatawa al-Aqidah, il dit les gens, ils disent quand quelqu'un meurt, ils disent Al-Maghfour lahu, le pardonné. Ils disent Al-Marhoum. Tu vois Intaqala ila rahmatillah. Toujours quand on entend Maut al-Ulama ou bien même des gens normaux. Fulan intaqala ila rahmatillah. Un tel, il est parti dans la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il est allé vers l'adab. Ils disent Hada un Bab al-Raja. Ils disent ça, c'est. Et l'espoir, les gens ils espèrent que, tu vois, voilà, c'est un souhait, c'est pas un bab l'ikhbar, c'est pas une information, parce que si quelqu'un dit un tel il est parti, tu peux pas dire ça, je sais pas s'il est parti dans un châtiment ou bien dans une miséricorde, Allahu alam, ça rentre dans le même cadre, je sais pas, Allahu alam. Tout ce qui est rapport avec ilm al-ghayb, hatta sahaba, ils peuvent pas yani, se prononcer, qa'ida c'est ça, ils peuvent pas se prononcer si ce n'est à travers rafa. À travers quelque chose qui est attribué au messager. Tout ce qui est dans un domaine de l'invisible, même un compagnon ne peut pas dire telle chose, elle est comme ça. Ibn Abbas, il a dit tout ce qui est au paradis, et ce qu'il y a ici-bas, il n'y a que les noms qui sont pareils. Tout ça, il ne peut pas dire un Ibn Abbas de lui-même. Tout ça, c'est un rapport avec la révélation. Personne ne peut faire de shtihad dans le domaine de l'invisible. Allahu alam. Allahu alam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in.